إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. D'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se réunir pour lui. Et je remercie les frères de Dar al-Hadith de Brest de nous avoir accueillis. On espère que cette rencontre nous sera bénéfique le jour où ni bien ni enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur pur. On a choisi de traiter un sujet qui a été traité par plusieurs savants depuis les débuts de la transmission de l'islam, dont Allah Ta'ala a parlé dans son livre et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncé dans sa tradition authentique, qui est l'apprentissage de la science religieuse. Allah Ta'ala a dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » « Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah » « Fabada'a bil'ilmi qabla al-qawli wal-amal » Le Bukhari, rahimahullah, il a donné le nom du chapitre qui est « La science avant la parole et l'acte » Il s'est appuyé sur ce verset comme preuve pour ce chapitre. Effectivement, la science, elle devance la parole et l'acte. Car toute parole et acte qui sont faits sans science mènent la personne à l'erreur et souvent au péché. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala a donné une grande valeur à la science religieuse et a élevé en valeur les savants. Allah tabaraka wa ta'ala les a fait témoigner sur la plus grande chose pour laquelle Allah il a créé l'univers, qui est l'unicité d'Allah, Tawhid. Alors Allah Ta'ala a dit « Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist » Allah a témoigné qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, ainsi que ses anges et les gens de science. Allah Ta'ala a joint le nom des savants avec celui de ses anges et avec son nom à lui, subhanahu wa ta'ala, pour les faire témoigner sur la plus grande chose qui existe dans l'univers, qui est al-tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. S'il y avait des gens auprès d'Allah qui étaient plus honorables et plus aimés que les gens de science, Allah les aurait cités après les anges. Effectivement, les prophètes sont les meilleurs et les plus aimés auprès d'Allah, ils sont les plus savants parmi les hommes. Puis, après les prophètes, leurs disciples qui sont les héritiers des prophètes et les savants qui sont les héritiers des prophètes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Inna al-ulama warathatul anbiya wa inna al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warathu al-ilma faman akhadahu أخذ بحظ وافر. Certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes n'ont pas laissé derrière eux en héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé en héritage la science religieuse. Celui qui l'a acquise a pris la plus grande part en islam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant des savants, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Seuls les savants parmi les serviteurs d'Allah craignent réellement Allah. Al-khashya, c'est quoi la différence entre le khashya et le khawf? Le khawf qui est la peur. Et le khashya, c'est la crainte qui est liée à la science. C'est la crainte qui va avec la science. C'est pour ça qu'il n'y a que les savants qui craignent réellement Allah. Ceux qui connaissent Allah, qui connaissent ses noms, ses attributs, ceux qui connaissent les lois d'Allah, la sagesse d'Allah, tabaraka ta'ala. Ceux qui connaissent comment on doit adorer Allah, comment faire ce qu'Allah aime et comment délaisser ce qu'Allah déteste, subhanahu wa ta'ala. Allah, tabaraka ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Certes, Allah élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux qui ont reçu la science de plusieurs degrés. On tire de ce verset trois leçons. Premièrement, Allah il a élevé les croyants sur les kuffars. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah élève ceux qui ont la foi parmi vous par rapport aux kuffars. Walladhina utul ilma et ceux qui ont reçu la science par rapport à ceux qui ne l'ont pas reçu. Et la troisième leçon, darajat, différents degrés. C'est-à-dire que les savants, les gens de science sont de différents degrés. Il y a le talib al-ilm. Dans les talib al-ilm, il y a des gens qui ont des degrés différents. Il y a le grand talib, il y a un débutant, il y a quelqu'un qui est au milieu du chemin, il y a quelqu'un qui est un grand talib al-ilm, qui commence à s'approcher des ulama. Dans les ulama, il y a les ulama qui sont un alim d'un quartier, un autre un alim d'une contrée, et t'as les grands ulama, t'as les allama, t'as les imams, t'as les cheikhs l'islam. Ce n'est pas la même chose. Même chez les ulama, il y a des degrés. Comme chez les êtres humains, il y a des degrés. Comme dans toutes les sciences mondaines, il y a des degrés. Par exemple, dans la médecine, dans quoi que ce soit, il y a les grands professeurs et il y a les professeurs. Il y a les docteurs. Eux aussi, ils savent. Mais est-ce qu'il est pareil que le grand professeur qui fait des thèses et qui fait des écrits et qui dit ça c'est bon, ça c'est pas bon, qui est tout le temps dans la recherche? C'est pareil? C'est pas pareil. Donc de ce verset, on a tiré ces trois enseignements. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Les versets parlant de la vertu de la science religieuse sont nombreux. Parmi les hadiths, il y en a beaucoup. Il y a le hadith de Muawiya. « Ma yuridillahu bihi khayra yufaqqihu fid din. » Celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. Il y a la parole du prophète Hassan qu'on a cité tout à l'heure, que les savants sont les héritiers des prophètes. Il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam compare la valeur du savant par rapport au dévot. Il dit, c'est comme la différence qu'il y a entre moi et le plus bas d'entre vous. En parlant des sahaba. La différence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le plus bas parmi les sahaba, c'est la même différence qu'il y a entre un savant et un dévot. Un dévot, c'est pas un musulman du commun. Un adorateur. Il jeûne la journée, il prie la nuit. Voilà la différence qu'il y a entre le savant et lui. Alors si c'est un savant qui est dévot aussi, comment elle va être la différence? Si en plus la différence elle est entre un savant dévot et un commun des musulmans qui n'est pas un dévot, comment est encore plus la différence? Et il a même dit dans un autre hadith que la différence entre un savant et un dévot, c'est comme la différence de la lune par rapport à la plus petite des étoiles. Quand tu regardes le ciel, tu vois la lune quand elle est à son plein quartier. Comment elle illumine? Qu'est-ce que c'est une petite étoile par rapport à la lune? Ça aussi, comme certains parmi nos ulama disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé à la lune. Il a comparé le savant à la lune. Pourquoi? Est-ce que la lumière de la lune, elle vient d'elle-même? Qui connaît ça? La lumière de la lune, c'est quoi? C'est le reflet de la lumière du soleil. De même, les savants, ils font que transmettre la lumière de la révélation, comme la lune. Ils sont un reflet de cet héritage qu'ils ont eu, de la révélation. Du Coran, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le reflètent comme la lune, elle reflète la lumière du soleil. Tant qu'ils sont des gens qui transmettent, qui reflètent le Coran et la Sunna, ce sont des ulama. Mais s'ils commencent à donner leur avis et à suivre la philosophie, ils ne reflètent plus, ils ne transmettent plus cette lumière de la révélation. Et ils sortent de ce wasf. Ils sortent de cette description. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, il a parlé d'une personne avec sa chaîne de transmission, se nommant Safwan, qui est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser une question. Il a dit au messager d'Allah, je suis venu te voir pour étudier la science. Voilà que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue à celui qui est venu demander la science. Les anges abaissent leurs ailes par humilité et agrément de ce que l'étudiant en science fait lorsqu'il prend un chemin pour étudier la science. Ils étalent leurs ailes, les unes au-dessus des autres, jusqu'à ce qu'ils atteignent le ciel. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelle est ta question? Donc il lui a dit, bienvenue, et il lui a montré la valeur de celui qui vient chercher la science. Que les anges, ils étalent leurs ailes, ils abaissent leurs ailes pour lui. Et qu'ils mettent leurs ailes les unes sur les autres, et ils se mettent les uns sur les autres jusqu'à qu'ils atteignent le ciel. Puis il a dit, quelle est ta question? Voilà que Safwan a dit, je suis une personne qui voyage beaucoup au messager d'Allah. Je suis venu te poser des questions concernant al-mas'hu ala al-khuffayn, l'effleurement sur les chaussons. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, l'effleurement des chaussons est valable 3 jours pour le voyageur et 1 jour pour le citadin. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'être bon envers les étudiants en sciences, de bien les accueillir, de bien s'occuper d'eux, d'être généreux envers eux, de bien leur transmettre. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah va ouvrir une terre où il y a un peuple, ce peuple vous enverra des enfants et des jeunes hommes pour étudier la science chez vous et pour s'éduquer dans la religion. Ils sont venus pour que vous leur enseigniez. Alors s'ils viennent vous voir, soyez bons envers eux. Enseignez-leur. Soyez doux envers eux et élargissez vos assises pour eux. Quand ce moment est venu, Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, leur a dit, bienvenue à ceux envers qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'être bons envers eux. Cette science dont on parle, qui est obligatoire pour tout musulman, comme il est dit dans le hadith sahih, l'apprentissage de la science est une obligation pour chaque musulman. Quelle est cette limite obligatoire? Quand on dit l'apprentissage de la science est obligatoire pour chaque musulman, est-ce que c'est obligatoire pour chaque musulman de connaître, par exemple, la science du hadith? Répondez-moi. De connaître la science du jahr et ta'dil? Non, pour chaque musulman. Est-ce qu'il est obligatoire pour chaque musulman de connaître la science de l'héritage? Non. Dites-moi. Est-ce qu'il est obligatoire pour chaque musulman de connaître Usul al-Fiqh? Est-ce qu'il est obligatoire pour chaque musulman de connaître toutes les règles de grammaire arabe? Non. Les règles de tafsir, Usul al-Tafsir? Non. Ça, c'est une obligation communautaire. Fard ou kifay. Donc, il y a une science, une partie de la science qui est un fardu ayn, une obligation individuelle. qui est dirigé vers chaque musulman et chaque musulmane, peu importe son niveau, peu importe sa langue, peu importe où il vit, peu importe sa pauvreté, sa richesse, sa situation sociale, peu importe. Tout le monde. Et il y a une partie de la science qui est une obligation communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Une obligation communautaire, cela veut dire que c'est obligatoire pour la communauté de le faire. Si tous le délaissent, tout le monde est pécheur. Mais si une partie de la communauté accomplit cette obligation comme il se doit, alors les autres ne sont plus pécheurs. Alors les autres, il ne leur incombe plus de le faire obligatoirement, cela reste pour eux seulement recommandé. Il y a un autre point à comprendre dans cette question-là. Il faut que le nombre de personnes qui accomplissent cette obligation communautaire, ce fard ou kifai, il soit assez nombreux pour combler le besoin. Par exemple, dans un village où il n'y a que 100 musulmans, ils prient tous dans la même mosquée, ou 200 musulmans, ou 300 musulmans, ils prient tous dans la même mosquée. Si un seul parmi eux apprend les ramifications de la science, il s'approfondit dans les sciences religieuses pour pouvoir revenir et leur enseigner, c'est suffisant. S'il y en a plus, c'est mieux. Mais un, ils ont fait l'obligation pour qu'ils viennent leur enseigner. Mais si on est dans une ville où il y a 5000 musulmans, 10 000 musulmans, 15 000, 20 000, 50 000 musulmans dans des quartiers différents, est-ce qu'un seul il va suffire pour tout cela? Répondez-moi. Non, il en faudra plusieurs. Il en faudra plusieurs pour que l'obligation communautaire soit accomplie. Donc l'obligation communautaire, si une partie de la Oumma le fait, les autres en sont déchargés. À condition que cette partie de la Oumma qui l'accomplit soit assez nombreux pour combler le besoin. Sinon, l'obligation, elle reste toujours, jusqu'à qu'ils soient assez nombreux. Vous avez compris? Donc, dans la science religieuse, il y a une partie qui est une obligation individuelle et une autre partie qui est une obligation communautaire. D'abord, on va parler d'une obligation individuelle, car c'est cela nous concerne tous. Ce qu'il est obligatoire à connaître pour tout musulman, c'est de connaître les points essentiels de sa croyance, en premier lieu, avec les preuves. Il doit connaître les points de sa croyance et en connaître les preuves, obligatoirement. Quelle est la preuve de ce que je dis? Qui peut me dire quelle est la preuve de ça? Le hadith des Munkar et Nakir. Le hadith des questions dans la tombe. Qu'est-ce qu'ils leur disent dans la tombe? Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Il y a deux types de personnes qui répondent. Celui qui répond correctement et l'autre, il répond quoi? Ha, ha, la adri. Kuntu aqulu kama yaqulu an-nas. Je ne sais pas, je répétais comme les gens disent. Les savants ont tiré de ce hadith qu'il est interdit de faire le taqlid dans la croyance, de faire le suivi de quelqu'un dans la croyance. Tu es obligé de croire avec les preuves. Car celui-là qui va se faire frapper et dont sa réponse va être refusée, il va dire « Je répétais comme les gens répétaient. » Et ceci ne sera pas suffisant pour l'excuser, pour le préserver du châtiment. Ce qui prouve donc qu'il lui était obligatoire de connaître les points de la croyance avec les preuves. Et non pas en disant « J'ai répété comme un tel répétait. » Quand on dit connaître les points de la croyance avec les preuves, cela veut dire quoi? Cela ne veut pas dire il mémorise les preuves. Cela veut dire au moment où il accepte cette croyance, il en connaît la preuve. La preuve du Coran, du verset lui a été présentée, ou le hadith. C'est pour ça qu'il a accepté ce point et il y a cru. Même si plus tard il a oublié le verset, il ne le mémorise plus. Mais au moment où il l'a accepté, il l'a cru, il l'a pris avec preuve. Vous avez compris? Donc de ce fait-là, tout le monde peut le faire. Même un illettré peut le faire, une personne âgée, tout le monde. Tout le monde doit croire avec les preuves. T'arrives, tu vas voir un ami qui ne sait pas lire, une personne âgée, une dame même dans le fin fond de la campagne, en Asie ou en Afrique ou en Arabie ou dans le désert, tu lui dis, il faut croire qu'Allah, il est établi sur son trône, parce qu'Allah, il a dit dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Ah, elle va dire, d'accord, Allah, il a dit dans le Coran, alors, Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa. Elle y croit, ça y est. C'est ça, croire avec les preuves. Vous avez compris? Non. Le premier point, les points de la croyance. Essentiel. Pas tous les détails. Il y a des détails de la croyance qu'il n'y a que les étudiants de sciences qui peuvent les maîtriser ou les savants. Mais on parle des fondements. Des points que personne ne doit ignorer. Deuxièmement, les points de sa pratique journalière. Tout ce qu'il pratique journalièrement. Journalièrement, il fait les ablutions. Journalièrement, il fait la salate. N'est-ce pas? Annuellement, il fait le jeûne. Quand il a les moyens, il fait le pèlerinage. Et les règles du halal et du haram dans sa vie. S'il travaille dans un domaine précis, il doit connaître les règles du halal et du haram dans ce domaine. Il se marie, il a des enfants, il doit connaître les règles du halal et du haram dans le mariage, dans l'éducation. Tout ça sont des points obligatoire à connaître pour tout musulman. C'est-à-dire tout ce qu'il pratique constamment, il a besoin de le connaître obligatoirement. Qu'est-ce qu'il pratique journalièrement? La croyance, il doit l'avoir tout le temps, à chaque instant. Puis les pratiques religieuses, les rites, les ablutions, la salat, s'il a de l'argent, la zakat. S'il est commerçant, il doit connaître les règles du commerce dans le halal et le haram, dans le riba, dans les règles concernant le riba, toutes les règles concernant la tromperie, toutes les règles concernant les marchandises licites à vendre et illicites à vendre, toutes les règles concernant comment un contrat de vente est caduque ou comment un contrat de vente est sahih, est juste. Ça, il a besoin, il est commerçant, tous les jours il commerce, il vend, il achète. Donc il doit connaître ces choses-là. Concernant l'obligation communautaire, qui est le fait de maîtriser la langue arabe, parce que une personne ne peut pas étudier les sciences religieuses sans maîtriser la langue arabe. Car le Coran, il est en arabe. Les hadiths, ils sont en arabe. Les paroles des salafs, elles sont en quelle langue? En arabe. Donc on ne peut pas être étudiant en sciences sans maîtriser l'arabe. Ça n'existe pas. Avant ça, on est étudiant. Mais dans la catégorie du commun des musulmans, c'est-à-dire l'étudiant qui étudie ce qui lui est obligatoire personnellement, ce qui est obligatoire individuellement. Mais pour être un étudiant en sciences qui veut pousser dans les sciences religieuses, il faut maîtriser la langue arabe. Il faut maîtriser d'autres sciences qui aident à comprendre les différentes sciences religieuses, que ce soit les fondements de la jurisprudence, que ce soit la terminologie du hadith, que ce soit les règles du tafsir, que ce soit les fatawas et les avis juridiques des salafs, des fuqaha, des imams, que toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'il va étudier pour pouvoir mieux comprendre le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que, à mon sens, c'est une erreur qu'un francophone, il apprenne, par exemple, les fondements de la jurisprudence, ou mustalah al-hadith, ça ne lui sert à rien du tout. À part à se vanter devant les autres. Mais en pratique, ça ne sert à rien du tout. Qu'est-ce qu'il va faire avec Mustalah al-Hadith en français? Il va aller étudier une chaîne de transmission. Qu'est-ce qu'il va aller faire avec Usul al-Fiqh en français? La plupart des chapitres de Usul al-Fiqh, ça parle de la langue arabe. Comment on comprend qu'un mot il est général et non pas spécifique? C'est en arabe. À quoi ça sert qu'il étudie en français? À rien. À part se vanter devant les autres. À part faire croire aux gens qu'il connaît, ça ne sert à rien. D'où l'erreur des prétendants, ceux qui prétendent avoir de la science, les muta'alimin, qui pour épater les gens, leur parlent de sujets qui ne les concernent pas. Au lieu d'enseigner aux gens les sujets qui leur concernent, les fondements de leurs croyances, les bases de leurs pratiques religieuses, le halal et le haram, le comportement et la correction de soi, les règles dans la vie familiale, dans la vie en société, c'est ça qu'ils ont tous besoin tous les jours. Non, lui, il veut épater la galerie, il va venir leur parler de choses qui ne les concernent pas directement, qui ne sont pas des obligations individuelles pour eux. Il va venir leur faire des cours sur Sharh al-Bayquniya, Sharh al-Nukhbat al-Fikr, il va leur expliquer Usul al-Fiqh, il va leur expliquer Ilm al-Hadith, Jarh al-Ta'lid. Ces gens-là, ils sont même pas arabophones, barakallahu fik. Ça leur sert à quoi tout ça? Rien. Combien de livres de Aqidah ils ont besoin de faire, tu les as pas fait. En commençant par les livres de base, puis à pousser dans les livres plus profonds. Combien de livres de fiqh, est-ce que tous les points de fiqh qu'ils pratiquent tous les jours, ils les connaissent? Connaissent toutes les règles de tahara comme il faut, de purification? Connaissent toutes les règles de la salat comme il faut? Ils connaissent les règles de l'habillement comme il faut? Ils connaissent les règles du halal et du haram comme il faut? La zakat, le jeûne, la umrah, le hajj? Donc ça, c'est pour ça que Allah tabaraka ta'ala, il a ordonné aux savants d'être des savants éducateurs. Walakin kunu rabbaniyin. Et Abdullah ibn Abbas, comme al-Bukhari, rahimahullah, wa radiallahu anhu, on peut faire dua pour lui, radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, il a nommé un chapitre de son sahih, enseigner les petites choses avant les grandes choses. Ou l'explication de la parole, walakin kunu rabbaniyin. Il a mis ce verset, en fait, et il l'a expliqué. Et il a ramené la parole de Abdullah ibn Abbas qui a dit, cela veut dire, enseignez d'abord les petites choses avant les grandes choses. Enseignez d'abord les petites choses avant les grandes choses. Ça, c'est le devoir de l'éducateur, de savoir à quel public il parle. Quelqu'un qui vient enseigner, il n'est pas venu épater les gens. Il est venu leur donner le mufid, ce qui est utile pour eux. Et d'ailleurs, celui qui étudie la science du hadith, si un jour il étudie la science du hadith, ou il lit un livre même pour une culture générale comme ça, il va voir qu'une des raisons qui a poussé les gens à inventer le hadith, c'était le qassasoun, les conteurs. À force de répéter les mêmes choses, il n'a plus d'auditoire. Donc, pour pouvoir garder un grand auditoire, il fallait qu'il les épate toujours avec des nouvelles histoires. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui parle pour épater les gens, celui-là, premièrement, il n'est pas sincère. Il n'a pas appris la science pour Allah. Et il ne fait pas son devoir d'éducateur. Donc Allah ne le récompensera pas pour cette science. Mais plutôt il le punira. Il fera partie même des premiers à entrer en enfer sur sa face. Parce qu'il a appris pour que les gens disent « il est savant ». Parce qu'il a appris pour polémiquer avec les savants, pour se vanter devant les ignorants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de celui-là, il a dit qu'il prépare sa place en enfer. Qu'il prépare sa place en enfer. Quand on parle de la science qu'Allah tabaraka ta'ala a aimé et dont il a élevé ses partisans. De quelle science parlons-nous? Est-ce qu'on parle par exemple de la science de la biologie? Ou des mathématiques? Ou de la physique? Ou bien même de la psychologie? Non, on parle de la science de Sharia, les sciences religieuses. Car les prophètes ne sont pas venus enseigner aux gens l'ingénierie ou la médecine ou la... Ça, c'est des choses mondaines qui peuvent être utiles, qui peuvent même parfois être obligatoires, d'une obligation communautaire aussi, s'il y a un intérêt pour la communauté. Mais à condition que ce soit encadré par les règles religieuses. La grande erreur que l'on trouve aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos frères ne maîtrisent rien de leur religion et entrent dans tous les domaines de la science avant même de connaître les bases obligatoires pour lui dans la religion. Normalement, il devrait connaître déjà les bases obligatoires pour lui dans la religion. Puis, puisqu'il s'oriente dans un domaine précis, savoir ce que l'islam dit de ce domaine. Déjà, est-ce que ce domaine, il est licite? Premièrement. Deuxièmement, s'il est licite, comment l'islam voit ce domaine? Il est possible que l'islam a donné certaines règles dans ces domaines-là. Même sûrement, car il n'y a pas une chose où il n'y a pas de règle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'ils font. Ils apprennent leur science mondaine, et juste parce qu'ils disent Bismillah au début et Alhamdulillah à la fin, on dit un psychologue musulman. C'est un psychologue comme un kafir. Il te donne des méthodes de kuffar. Il te parle de toi comme un kafir, il voit un homme. Il ne te parle pas comme un musulman, il voit le corps et l'âme. Il te parle comme un kafir, il voit le corps et l'âme. Il te donne des solutions qui ne sont pas les solutions du Coran et de la Sunna. Juste, il dit Bismillah et Alhamdulillah, on dit un psychologue musulman. Mais la psychologie qu'il enseigne, elle n'a rien d'islamique. Pareil pour d'autres domaines. Alors que si c'était quelqu'un qui avait appris les bases de sa religion, puis, comment l'islam, par exemple, voit la psychologie? Comment l'islam voit l'âme? Comment l'islam voit le corps? Comment l'islam règle les maladies psychologiques? Quelles solutions il donne? Puis il profite de l'expérience aussi des koufars dans les choses qui ne contredisent pas les règles de l'islam. Ça, il n'y a pas de mal. Alhamdulillah, c'est un bien. Mais c'est pas ça qui est fait aujourd'hui. Donc, la science dont Allah Ta'ala parle, qui a un grand mérite, c'est la science religieuse. Pourquoi? La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaissait pas les sciences de ce bas monde. Et on a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes, ils ne connaissaient pas l'ingénierie, les mathématiques, ces choses-là. Ils sont venus enseigner al-sharia, les règles de la législation. Le hadith de Muawiyah, celui à qui Allah veut du bien, il le renversait dans les sciences, du faqihu fi fid-din, dans les sciences religieuses. Il l'a bien précisé. Comme on a dit, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas bon d'apprendre les sciences mondaines. Cela peut même être nécessaire s'il y a un intérêt pour les musulmans de maîtriser ces sciences pour être au service de la Oumma. Non. Cette science religieuse, elle consiste en quoi? Est-ce que la science religieuse, par exemple, c'est apprendre des fatwas par cœur? La science religieuse, c'est avant tout connaître « قال الله, قال رسوله, قال الصحابة ». قال الله قال رسوله قال الصحابة. C'est ça la base de la science religieuse. C'est pour ça Allah Ta'ala il a dit dans le Coran فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens du rappel quand vous ne savez pas. أَهْلَ الذِّكْرِ. الذِّكْرِ c'est quoi? Allah Ta'ala il dit quoi dans le Coran? إِنَّ نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. C'est nous qui avons descendu le rappel et c'est nous qui nous chargeons de le garder, de le préserver. Ce rappel, c'est la révélation. Et la révélation, c'est quoi? قال الله قال رسوله قال الصحابة. Ça suit. Pourquoi? Parce que c'est la compréhension et la mise en pratique de cette révélation. C'est ceux qui ont vécu cette révélation. Ceux qui étaient présents quand Allah il a révélé le Coran. Ceux qui étaient présents quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais, ne fais pas. C'est fais comme ci, fais comme ça, prie comme ça, ne prie pas comme ça. Ou qui l'ont vu prier, qui l'ont vu faire ses ablutions. Donc elle est comme une explication de cette révélation. Car il n'y a pas des gens qui comprennent mieux la révélation après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que ses compagnons. Ceci par le témoignage d'Allah Ta'ala. Awwala. Allah, il les a élogés dans le Coran. Il a fait les éloges de leur foi, de leur piété. Il a dit qu'il les a agréés dans cette vie, avant la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité même certains noms parmi les compagnons qui sont promis au paradis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs gens sont ceux de mon siècle. Puis ceux qui suivent, puis ceux qui suivent. Après cela, ne viendra pas une époque sans qu'elle soit pire que celle d'avant. Jusqu'à que le jour se lève. » Comment des gens aujourd'hui, 15 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prétendent mieux comprendre le Coran et la Sunna que les sahaba et que les imams de l'islam? Sans aucun doute, cette personne est un égaré, un hérétique. Quelqu'un qui nous vient avec une parole qui n'existait pas à l'époque des salafs, les yeux fermés, je dis c'est un mubtadi'a. Tout de suite. Les yeux fermés. Mubtadi'a. Il vient avec une parole dans le din. Dans le din, bien sûr. Qui n'est pas dit par les salafs. Aucun parmi les salafs n'a dit ça. C'est un innovateur. ce dont Allah nous a mis en garde, qui répandent leurs ambiguïtés dans les poitrines des gens malades, et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde de s'asseoir avec eux, et dont Allah nous a mis en garde de s'asseoir avec eux. Et il dit, quand tu rencontres des gens qui pataugent dans nos versets, فَأَحْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Détourne-toi d'eux. Allah Ta'ala, dans Surat Ali Imran, il dit quoi de ces gens-là? Ceux qui ont dans leur cœur un penchant vers le mal, ils suivent ce qui est ambigu ou équivoque, et ils délaissent ce qui est clair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est cela dont Allah parle. Si tu les vois, prends garde à eux. Prends garde à eux. Donc, ces savants-là, cette science-là qu'on doit apprendre, c'est la science du Coran et de la Sunna. Et il y a autour des sciences qui sont des outils pour comprendre le Coran et la Sunna. Comme la langue arabe, comme les fondements de la jurisprudence, comme les fondements des règles du tafsir, comme les règles du hadith, comme toutes ces sciences sont des outils dont tu t'armes pour pouvoir comprendre correctement le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a résumé cela en disant Al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu. La science, c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit. Donc, tu ne peux pas, comme on a dit tout à l'heure dans le verset, Allah Ta'ala dit, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun. Demandez aux gens du rappel. Les gens du rappel, c'est ceux qui mémorisent le rappel. Ceux qui comprennent le rappel. Ceux qui enseignent le rappel, transmettent le rappel. Et le rappel, c'est le Coran et la Sunna. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le Coran et la Sunna, et qui n'appelle pas au Coran et à la Sunna, ce n'est pas quelqu'un du dhikr. Ce n'est pas quelqu'un du rappel. Donc ce n'est pas quelqu'un vers qui on a le droit d'aller pour poser des questions. Parce qu'Allah dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. Demandez aux gens du rappel, quand vous ne savez pas. Il ne t'a pas dit demande au boucher. Il ne t'a pas dit demande à YouTube. Il ne t'a pas dit demande à Internet. Demande à Google. Demande à tel. Demande aux gens du rappel, quand tu ne sais pas. Et la plupart des malheurs qu'on a aujourd'hui dans la Ummah, c'est à cause de ça. Les gens, ils ne demandent pas aux gens du rappel. Ils croient tout comprendre. S'il s'agit de son corps, de la médecine, il va aller voir chercher le meilleur spécialiste de la ville. Il sera même capable de voyager jusqu'à Paris ou même dans un autre pays pour son corps éphémère qui va faner, qui va devenir de la poussière, mais pour son âme, pour sa religion, pour ce grand capital qu'Allah lui a donné, non, n'importe qui. Tape sur Internet, ça lui suffit. Comme souvent les questions que je reçois. J'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé. Donc s'il l'aurait trouvé, il se serait fait la fatwa tout seul. C'est parce qu'il n'a pas trouvé sur Internet que maintenant, il vient demander. Surtout tous ces sites-là qui réunissent les fatwas, copier-coller, copier-coller, copier-coller, copier-coller, copier-coller, copier-coller. Dans le même site, il y a la fatwa et son contraire. Parce que les gens qui gèrent ça, c'est pas des étudiants en sciences. C'est des gens qui ont deux doigts qui sont très musclés. Un doigt copier et le deuxième coller. Ils ont rien d'autre à part deux doigts musclés et une bonne connexion Internet. Copier-coller, copier-coller, copier-coller. Ils ne sont même pas capables de vérifier une traduction. Et ces sites-là, c'est devenu les références des salafis en France. N'importe quel inconnu, il nous sort à n'importe quelle époque pour nous parler de tous les sujets et tout le monde avale. À quoi ça sert? Les gens, ils étudient, ils voyagent vers les ulama, ils s'assoient chez eux, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils servent à quoi ces gens-là? Juste à faire le décor? Si il suffit d'avoir deux doigts musclés et une connexion Internet, ça sert plus à rien alors. Cette science-là, c'est un héritage. Sache de qui tu le prends, Harry. Car cette science-là, tu en as plus besoin que la nourriture, que l'air, que la boisson. Comme l'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, la nourriture et la boisson, tu en as besoin une ou deux fois par jour. La science, tu en as besoin à chaque respiration. Tu ne peux pas t'en passer. L'intention pour laquelle tu étudies la science aussi est très importante. Si je demande ici, pourquoi on étudie la science? Souvent, on entend des frères, mashallah, qui nous parlent, ils disent, ah, je voudrais étudier, comme ça, je pourrais répondre à toutes les questions. Je voudrais étudier, comme ça, je gagnerais tous les débats. Est-ce que ça, c'est des bonnes intentions, ça? Celui-là, miskine, il n'a rien gagné. Miskine, celui qui commence comme ça, bientôt on va entendre parler de lui que c'est le plus gros factal sur Terre. Il fait que des problèmes. Parce qu'il a mal commencé déjà. Sauf si Allah, par sa miséricorde, il lui change son intention, il se repent et il se réforme. Ça arrive. Il y a des gens, parfois, ils rentrent dans la science avec une mauvaise intention. Mais subhanallah, Allah Ta'ala, il leur fait goûter par sa miséricorde la lumière de la science religieuse, il se réforme. Donc, pour quelle intention quelqu'un apprend la science, ses frères? On va le résumer en quelques points. Comme Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, l'a cité. Premièrement, on apprend la science parce qu'Allah nous l'a ordonné. C'est un ordre d'Allah. Allah, il t'a ordonné de prier, tu pries. Allah, il t'a ordonné d'apprendre comment adorer Allah. D'apprendre à connaître Allah. Ta croyance, c'est d'apprendre à connaître comment adorer Allah. Donc, premièrement, c'est une obligation. Allah Ta'ala dit, fa'lam, à l'impératif, sache, c'est-à-dire, apprends. C'est un ordre, apprends qu'il n'y a nulle divinité qui est digne d'être adorée si ce n'est Allah. Deuxièmement, dans l'intention de protéger, de préserver la législation islamique pour qu'elle perdure, en l'apprenant, en la mémorisant, en la gardant, en la préservant. Troisièmement, dans l'intention de protéger et de défendre l'islam contre toutes les déviances, en éloignant l'ignorance, en rejetant les innovations, les ambiguïtés lancées par les mécréants ou par les gens au cœur malade, dont Allah a parlé dans Sourate Ali Imran, dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui suivent les choses équivoques. Car si on ne fait pas cela, la religion risque d'être dénaturée comme elle a été dénaturée par ceux qui ont encouru la colère d'Allah et les égarés. Une des intentions aussi pourquoi on apprend la science religieuse, c'est pour mettre en pratique la législation avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car tu ne peux pas la mettre en pratique si tu n'apprends pas. Donc voilà comment on peut résumer l'intention pour laquelle on apprend la science. Premièrement, pour obéir à Allah. Deuxièmement, pour préserver et pour faire perdurer cette révélation. Troisièmement, pour défendre la religion et pour écarter d'elle tout ce qui n'en fait pas partie. La protéger. Et quatrièmement, pour mettre en pratique la législation avec laquelle est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de la valeur de cette science, de quelle est cette science qui est voulue de nous, quelle est la limite de la science obligatoire pour chaque individu? Et quelle est la science qui est une obligation communautaire? Alors, il faut savoir que pour atteindre cette science qu'Allah aime, il y a des politesses et des règles à respecter. Il faut savoir que les pieux prédécesseurs, ils donnaient une très très grande importance à la politesse, à l'éducation. Abdullah ibn Abbas, le neveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait en temps de pleine chaleur à la porte de Zayd ibn Thabit et il était rempli de poussière, il attendait jusqu'à que Zayd sorte pour lui poser une question religieuse. Il lui dit, il fallait me déranger, pourquoi tu ne m'as pas dérangé? Il lui a dit, non, c'est à moi de t'attendre, je ne dois pas te déranger. Une autre fois, Zayd ibn Thabit a voulu monter sur sa monture et Abdullah ibn Abbas est venu prendre son pied pour le monter. Ses mains. Il a levé son pied avec ses mains. Il lui a dit, ne fais pas ça, ô cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Allah nous a ordonné d'être comme ça avec nos savants et avec nos grands. Sofiane Thawri, rahimahullah, il disait, la personne à notre époque, vous connaissez Sofiane Thawri? Vous entendez parler de lui? Un grand imam du hadith parmi les salafs. Il était en Irak. Il a dit, la personne à notre époque qui voulait apprendre le hadith devait auparavant s'éduquer, apprendre la politesse et faire beaucoup d'efforts dans le fait d'apprendre l'humilité et l'adoration. Pendant 20 ans, il apprenait avant de commencer à apprendre la science du hadith. L'imam Malik ibn Anas, radiallahu anhu wa rahimahullah, quand il était jeune, sa mère lui mettait les plus beaux habits. Elle lui mettait un beau turban et elle l'envoyait chez Rabi'a, un des savants de Médine. Elle lui dit, vois mon fils, apprends de la politesse de Rabi'a avant d'apprendre de sa science. D'ailleurs, ce même imam, rahimahullah, il n'aimait pas citer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça en marchant ou dans le souk. Il considérait que c'est dévalorisant envers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, quelqu'un est venu lui poser une question. Il est sorti comme ça. Il a dit, non, je voudrais que tu me narres un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, attends. Il est rentré chez lui. Il s'est lavé. Il a mis ses plus beaux vêtements. Il s'est parfumé. Il a mis son turban. Il a demandé à son servant de sortir une chaire. Il s'est assis sur la chaire et il a commencé. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a cité sa chaîne de transmission. Il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Quand il a fini, il s'est levé, il est rentré, le servant, il a repris la chaire, il l'a rentré à l'intérieur. Il donnait une très grande valeur au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i, rahimahullah, il a été lui-même élève de l'imam Malik. Il dit, quand j'étais devant Malik, je faisais attention comment je tournais les pages, pour pas faire de bruit avec mes pages, par pudeur devant Malik. Donc, parmi les politesses à respecter, il y a le respect du professeur, le respect de ton cheikh. D'ailleurs, il est rapporté que Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, ils allaient voir Yahya al-Qattan avec Ali ibn al-Madini aussi, des grands savants du hadith. Quand ils lui posaient des questions, lui, il était appuyé sur son minbar. De l'Asr jusqu'au Maghreb, il restait debout, lui posait des questions. On leur disait, mais pourquoi vous ne vous asseyez pas? Ils ont dit, on a de la pudeur, on a honte de s'asseoir devant lui. On préfère rester debout, lui poser des questions. De l'Asr jusqu'au Maghreb. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, a dit, celui qui néglige les politesses se verra privé de la sunna. Celui qui néglige les sunan se verra privé des obligations. Celui qui néglige les obligations se verra privé de connaître Allah et d'être un bon adorateur. C'est pour cela qu'il est important pour un étudiant en sciences et pour les musulmans en général de respecter les savants, de les aimer, car ils sont les héritiers des prophètes, car ils sont ceux qui portent la sharia et la révélation pour la transmettre, et car en les dénigrant, cela peut être une cause d'éloigner les gens d'eux, et de ce fait, les gens ne profiteront pas de la science qu'ils portent. Ils resteront ignorants, et Shaitan, il pourra les chasser comme il veut. C'est pour ça, les ennemis de la sunna, leurs premières cibles sont qui? Les savants. Les savants de la sunna sont leurs cibles. La première chose qu'il veut faire, c'est dénigrer et dévaloriser le savant à tes yeux. Pour que toi, tu ne le respectes plus, à partir du moment où tu ne le respectes plus, tu n'écouteras pas ce qu'il dit. S'il a réussi à faire ça, il a gagné. Et toi, tu as perdu. D'ailleurs, Ibn Asakir rapporte, la viande des savants est empoisonnée. Et la tradition d'Allah sur ceux qui les rabaissent est bien connue. On connaît tous le hadith Qudsi, où Allah Ta'ala dit, celui qui fait du mal à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Et qui sont les bien-aimés d'Allah si ce ne sont pas les héritiers des prophètes qui portent la révélation et la science religieuse? Si ce ne sont pas les savants du hadith qui portent le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui la transmettent et qui l'enseignent. Parmi les politesses à respecter avec son cheikh ou son professeur, c'est d'éviter de lui parler comme on parle à notre ami. On ne l'appelle pas par son prénom de l'autre bout du coin. On l'appelle par une dénomination honorable. Cheikh, Oustad, Muallim, El-Muhim. Selon les us et coutumes de chaque endroit, la dénomination honorable qui lui convient, sans exagérer ni être impoli. Le juste milieu. La politesse sans exagération. Et le fait de respecter son professeur, c'est un moyen d'avoir de la baraka dans sa science. Car si tu ne le respectes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne donneras pas de la valeur à ce qu'il te dit. À partir du moment où tu ne donneras pas de la valeur à ce qu'il te dit, tu n'accepteras pas l'éducation qu'il te donne. Tu vas la rejeter. Donc tu ne te corrigeras pas. Tu resteras avec tes défauts. C'est pour cela que la personne, il doit s'asseoir d'une manière convenable dans les assises de sciences. Il ne doit pas polémiquer avec son professeur. S'il a besoin de savoir quelque chose ou il n'est pas d'accord avec lui, il attend à la fin du cours, il le prend en aparté, en privé. Il dit, cher, tu as dit tout à l'heure telle chose, ou Oustad, tu as dit tout à l'heure telle chose, mais moi j'ai entendu ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Parce qu'il se peut que c'est toi qui n'as pas compris. Et comme j'ai dit, il ne faut pas tomber dans l'exagération des soufis, qui est de croire que leurs chouyours, ils sont exempts d'erreur, infaillibles. Non. Nous on dit, nos savants ne sont pas infaillibles. Les savants ne sont pas infaillibles. Les seuls qui sont préservés de l'erreur sont les prophètes, dans la transmission du message. Après eux, tout le monde peut se tromper. De tous, on prend la parole ou on la laisse. Et ça ne veut pas dire selon les passions. Ah non, je prends, je laisse. C'est-à-dire selon mon humeur, selon mon envie. Non. Ça veut dire que des savants, s'ils divergent, tu vas laisser la parole qui n'est pas appuyée par des preuves pour suivre celle qui est appuyée par des preuves. Tout simplement. C'est pas toi, tu vas ramener ton avis à toi, ou selon ton humeur, ou selon ce qui te plaît. Ah, moi je préfère tel avis. Donc l'exagération est un danger, car on peut suivre quelqu'un dans le faux et dépasser les limites du respect à l'exagération. Jusqu'à même parfois où on devance l'avis d'un savant sur l'avis d'autres, alors qu'il n'est pas appuyé par des preuves, juste par fanatisme. Ou bien même parfois, quelqu'un peut devancer l'avis d'un savant sur le Coran et la Sunna. Ça, c'est encore plus grave. Et l'exagération, elle peut venir dans l'autre sens, qui est très présent aujourd'hui. C'est le manque de respect envers les gens de science. On parle, tout le monde est pareil. D'ailleurs, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, disait, votre problème aujourd'hui, c'est ou bien vous adorez les chouyours, ou bien vous les insultez. C'est-à-dire, il n'y a pas de juste milieu. Ou bien vous les adorez, ou bien vous les insultez. Il n'y a pas de juste milieu. Ni l'un, ni l'autre. D'ailleurs, ceux qui vont jusqu'à sanctifier les chouyours et se fanatiser pour eux, ils ressemblent aux chrétiens qui ont adoré leurs saints et leurs prêtres, etc. Et ceux qui les insultent et qui leur manquent de respect, ils ressemblent aux juifs qui ont tué les prophètes et qui les ont combattus. Pour finir, la science qui est demandée d'apprendre, c'est la science utile. La science du Coran et de la Sunna. Celle qui te pousse à mettre en pratique, à te réformer, à connaître ton Seigneur, à connaître ses lois et ses règles pour les mettre en pratique, à connaître comment te corriger, comment réformer ton comportement. Alors qu'il y a des sciences qui sont inutiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé protection à Allah contre la science inutile. Et il demandait à Allah la science utile. Donc ça montre qu'il y a certaines parties de la science qui est inutile. C'est pas toute chose qui est utile. Le choix du professeur aussi, il est très important. Il y a deux choses à prendre en compte dans le choix. Premièrement, sa religiosité. C'est-à-dire c'est quelqu'un dont la religiosité est intègre. Il a une pratique religieuse correcte. Et il est sur une voie et une méthodologie correcte, qui est sur la voie de la sunna. Et deuxièmement, les capacités. C'est-à-dire qu'il est connu pour avoir étudié et pour maîtriser ce qu'il enseigne et pour ne pas parler des choses qu'il ne connaît pas. Car toute personne qui étudie, il ne maîtrise pas tout. Il y a des sujets qu'il connaît, il y a des sujets qu'il ne connaît pas. Il y a des sujets qu'il maîtrise, d'autres sujets qu'il maîtrise moins. Tant que la personne s'en tient à ce qu'il connaît, ce qu'il maîtrise et il l'enseigne, il est dans le bien. Mais dès qu'il dépasse et il parle de sujets qu'il ne maîtrise pas, il tombe dans l'erreur. De ce fait-là, on saura qu'il est interdit en islam de prendre sa science d'un majhoul, d'un inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire un inconnu? Ça veut dire quoi un inconnu? Un inconnu, comme il a été rapporté chez les savants du hadith, qui disait, un inconnu chez les savants du hadith, c'est celui dont il n'est pas connu qu'il a étudié chez les gens de science, ou dont les savants n'ont pas connaissance qu'il a étudié. C'est ça un inconnu. Et en islam, il est interdit de prendre sa science d'un inconnu. Donc, il suffit d'une personne qu'elle soit inconnue pour nous, c'est-à-dire son parcours soit inconnu pour nous, dans le fait qu'on ne sait pas s'il a étudié, on ne sait pas s'il a étudié, pour nous empêcher d'apprendre la science de lui. Les gens, ils viennent à l'envers aujourd'hui. Ils disent, ouais, mais t'as quoi contre lui? J'ai rien contre lui, mais toi, t'as quoi pour lui? Est-ce que toi, tu as des preuves que tu peux prendre ta science chez lui? Sinon, non, c'est suffisant. C'est suffisant pour ne pas prendre la science chez lui. Ça, c'est un point que beaucoup de gens négligent. Et parfois, tu les trouves très méticuleux quand il s'agit d'aller s'asseoir dans un cours comme ça en présentiel. Mais quand il s'agit d'Internet, c'est fini toutes les règles. Il ne connaît plus de règles. Il clique sur tout ce qui bouge. Ah tiens, le sujet, il a l'air intéressant. Tiens, je vais voir ce qu'il raconte celui-là. Ah, allez, et lui, je vais voir ce qu'il raconte. Et lui, je vais voir ce qu'il raconte. Vas-y, prends une bouteille de poison et bois-la. Ça va plus vite. Après, cours dans tous les hôpitaux pour dire, vite, vite, donnez-moi des antidotes. Combien de gens, toute la journée, ils me contactent? Oui, j'ai écouté telle parole, ça m'a mis une choubha. C'est quoi la réponse? J'ai dit, débrouille-toi. La prochaine fois, tu n'écouteras pas cette parole. Quand tu seras éduqué, tu arrêteras d'écouter tout le monde, je te donnerai la réponse. Maintenant, je ne te donne pas de réponse. Ça ne sert à rien, il va venir me voir tous les jours. Parce que chaque jour, il écoute n'importe quoi. Donc la solution pour lui, c'est déjà que je bloque toutes les portes du mal là, qui lui entrent chez lui. Après, je pourrais essayer de l'aider. Mais à quoi ça sert que je viens recoudre un petit trou alors qu'il y a 1000 trous dans son sac? Je vais d'abord lui apprendre à arrêter de trouer son sac. Après, je vais l'aider à le remplir. Attention, WhatsApp. Les groupes WhatsApp. Je suis dans tel groupe WhatsApp. WhatsApp Salafia de Chine, Salafia de Tours, Salafia de Brest, Salafia de... Oh, barakallahu fik. Groupe WhatsApp, groupe Telegram, Facebook, je ne sais quoi, Snapchat, je ne reconnais même plus les noms tellement il y en a. Chaîne YouTube, je ne sais pas quoi, chaîne... On dirait chaque personne, bientôt même les fourmis vont faire des chaînes YouTube. Tout le monde fait une chaîne YouTube. Le boucher fait une chaîne YouTube, le clochard du coin fait une chaîne YouTube. Tous les jours on entend des nouveaux noms. Plein. J'arrive même plus, on s'en sort plus. Chaîne YouTube, chaîne YouTube, groupe WhatsApp. Alhamdoulilah, je suis dans aucun groupe. Tout ce qui me met dans un groupe, je le bloque. Dès qu'il me met dans le groupe, je le bloque. C'est fini. J'ai que ça à faire dans ma vie, à parler dans tous les groupes, tel groupe. Quand est-ce que je vais étudier? Quand est-ce que je vais m'occuper de ma famille, faire mes obligations? Quand? Ça, c'est un fléau, les frères. Ça, vous connaissez ce dont je vous parle. Il faut limiter dans le besoin. On a besoin de travailler ensemble sur un sujet, on fait un groupe pour travailler ensemble sur un sujet, je ne sais pas quoi. On doit s'aider pour nettoyer la mosquée, je ne sais quoi. On a besoin d'échanger des informations. D'accord. Mais il y a des gens qui ont la maladie du transfert. Ils transfèrent. Ils vérifient même pas des choses, on ne sait même pas d'où ils sont. Ils transfèrent. Il lit même pas ce qu'il transfère. Ça se trouve, il a un logiciel qui transfère automatiquement tout ce qu'il reçoit. Il lit même pas. Abdullah ibn Saoud, il venait voir une fois par semaine des gens. Ils ont dit, viens plus souvent. Il a dit, non, j'ai peur de vous lasser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait nous voir une fois de temps en temps. C'est devenu maintenant, les hadiths et les rappels, c'est devenu comme des informations des journaux. Qala Rasulullah. Ça passe à les prochaines informations. Non, donne de la valeur, agrandis la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses auxquelles il faut faire attention, c'est de manger peu et de parler peu. Car manger beaucoup, ça donne envie d'être fainéant. Et ça augmente les désirs chez la personne. Et parler beaucoup, ça diminue de ta prestance. Et ça te fait perdre du temps et ça te fait dire beaucoup d'erreurs. ce qui nuit à ton cœur et à ton comportement. Et ce qui te fait perdre ton temps et te fait tomber dans des disputes et des malentendus avec les gens pour rien. Tu te serais tu, il n'y aurait pas eu de problème. Aussi, parmi les choses auxquelles il faut faire attention, c'est patienter dans l'étude de la science. Parmi la patience, si vous patientez sur ton cheikh, tu peux tomber sur un cheikh qui est dur. Il te parle même mal. Il y en a, ils sont venus se plaindre chez un parmi les salafs. Ils lui ont dit, les gens se plaignent de ton comportement. Il a dit, peut-être que ma dureté, ce sera un bien pour lui. Il en aura une grande récompense et il va être éduqué. Un autre, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, ils étaient deux chez lui, qui demandent le hadith. Et un jour, il a parlé durement à celui qui était un bon élève. Et un autre, qui n'était pas un bon élève. Le deuxième, qui n'était pas un bon élève, il dit, ah, moi, tu m'aurais parlé comme ça, demain, je ne reviens pas. Il a dit, bah, lui, si c'était un imbécile comme toi, il n'aurait pas avancé dans la science. Si à cause de mauvais comportement, il ne prend pas le bien qu'il y a chez moi, c'est un imbécile, comme toi. Donc, parfois, Allah Ta'ala t'éprouve que tu étudies avec des savants ou des chouyours ou des professeurs. Il a son comportement. Ou alors, il veut t'éduquer. Parfois, il veut te serrer un petit peu. Mais, et surtout les frères de France, là, ils supportent pas ça. Dès que tu lui dis un mot de travers, mais t'es qui, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pris pour qui pour me parler comme ça? Ça y est, il s'est privé. Après, il va pas s'arrêter là. Allah Moustache, ce frère, c'est parti. Il va faire... ça va tourner dans tous les groupes WhatsApp. Capture d'écran. Regardez ce qu'il m'a dit. Allah Moustache, ce frère, c'est parti. Allez, ça tourne partout. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné? On s'est éduqué? On a appris? On s'est corrigé? Non. Aussi, la science, elle ne se prend pas d'un coup. Elle se prend avec le temps. Une personne est venue interroger Soufiane Thaouri. Une fois, il lui a répondu. Deuxième question, il lui a répondu. Troisième question, il lui a dit, demain. L'autre, il a insisté, non mais, il a dit, demain. Il a insisté, il lui a dit, tu veux prendre en une nuit ce que j'ai pris en 40 ans? Je t'ai dit, demain. Et Ibn Shihab Zuhri a dit, celui qui cherche à apprendre en une seule fois cette science, elle partira de lui en une seule fois. Mais la science religieuse se demande et se recherche en passant des journées et des nuits. Donc il faut l'apprendre par échelon, selon notre niveau. Et commencer par les petites choses qui sont compréhensibles pour aller à ce qui est plus difficile. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.